Histoire de Jésus-Christ, par Monsieur l'abbé Jean-Jacques Bourassé. Livre 4, première section, Jésus choisit Capharnaüm comme lieu de résidence. Si Jésus fixe sa demeure à Capharnaüm pendant le temps de sa prédication publique, c'est pour éviter les persécutions de ses ennemis. Rien n'était plus aisé à la puissance divine que de briser tous les obstacles, et de faire triompher en toute occasion sa mission sublime au moyen des miracles. Mais les miracles ne doivent-ils pas rester une exception? Les voies ordinaires de la Providence peuvent-elles être interverties sans cesse? Jésus fera éclater sa divinité aux yeux de la multitude, en opérant quantité de prodiges. Il n'a pas voulu cependant que le cours de sa vie sortît des circonstances communes, afin de ménager la liberté humaine, et pour nous servir de modèle. La vérité se montre aux hommes à travers un voile, et la foi, comme la vertu, est une épreuve et une victoire. Jésus éclaire notre intelligence de clarté assez vif pour qu'elle soit à l'abri de toute incertitude, mais pas assez éblouissante pour qu'elle se soumette presque malgré elle. Dieu nous éclaire abondamment. Il nous accorde en outre la grâce, qui incline l'esprit à recevoir la lumière, mais il exige notre coopération. Il prodigue ses dons, et il exige en même temps de notre part gratitude et soumission volontaire. Dans sa vie ordinaire, Jésus a dû suivre par choix les voies ordinaires, dit Bossuet, et il convenait d'autant mieux qu'il en fût ainsi, que la vie mortelle du Sauveur devait être à jamais le modèle de notre vie à tous, une leçon vivante pour la vie ordinaire et pour les chrétiens de tous les siècles. La ville de Capharnaüm, quoique située en Galilée, dépendait de la tétrarchie de Philippe. C'était donc un terrain plus libre que celui qui subissait la domination du tétrarque Hérode Antipas. Plus libre surtout que la Judée, où les pharisiens exerçaient une influence considérable. Dans le mystère de la prédication du Sauveur, ajoute l'évêque de Meaux, il y avait des lieux, il y avait des temps à prendre, il y avait des manières, et tout était réglé par la sagesse éternelle. Aujourd'hui, de la ville de Capharnaüm, que Jésus a bien voulu appeler sa ville, comme Nazareth, il ne reste que des débris informes. À quelques pas du rivage de la mer de Galilée, des ruines d'édifices publics, des fragments de colonnes, de rares sculptures à moitié grecques, à moitié romaines, quelques masures habitées par des Arabes fanatiques. Voilà tout ce qui a survécu de cette opulente cité. Au milieu des décombres, le pèlerin, jaloux de parcourir une contrée où passa le Fils de Dieu, ne jouit d'aucune sécurité. Ici les lois ne protègent personne. Les musulmans, maîtres du pays, détestent les chrétiens, et plus d'une fois ils eurent recours aux plus odieuses violences pour éloigner les voyageurs visitant pieusement les lieux sanctifiés par la présence du Sauveur. Section 2. Vocation de Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, fils de Zébédée, etc. Se promenant le long du lac de Génézareth, qu'on appelle aussi la mer de Galilée ou de Tibériade, Jésus aperçut deux pêcheurs occupés à jeter leurs filets. C'était Simon-Pierre et André, son frère. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Sur le champ les deux frères laissèrent là leurs filets, et se mirent à sa suite. Déjà le Sauveur les avait choisis sur le bord du Jourdain, et se les était attachés, mais ils ne l'accompagnaient pas habituellement. Un peu plus loin, ils rencontrèrent deux autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, dans une barque, où ils raccommodaient leurs filets en compagnie de leur père et d'ouvriers mercenaires. Jésus les appela. À sa voix, Ils abandonnèrent leur père et leur filet, et le suivirent. Si nous ajoutons à ces noms ceux des autres apôtres, nous dirons qu'ils étaient 12, selon le nombre des tribus d'Israël. Outre les deux fils de Jean ou Jonas, Simon, Pierre et André, et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, Jésus avait dans sa compagnie trois frères, fils d'Alphée, Jacques, surnommé le mineur, pour le distinguer du précédent, Jude et Simon. Alphée portait également le nom de Clopas ou Cléophas. Au rapport des Gésipes, cité par Eusèbe, il était frère ou plutôt beau-frère de Saint Joseph, dont il avait épousé la sœur. C'est pour cela que ces trois disciples, cousins germains de Jésus, sont appelés les frères du Seigneur. D'autres auteurs soutiennent qu'ils étaient fils de Cléophas et de Marie, sœurs de la Sainte Vierge, mais ces derniers écrivains, mal informés, voulaient dire que Marie, femme d'Alphée ou Cléophas, était belle-sœur de Marie, mère de Jésus. Voyez le chapitre 8 de l'introduction, puisqu'il paraît constant que la Vierge fut fille unique de Joachim et d'Anne. Jésus choisit encore Thomas, surnommé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, mais nous ne connaissons pas le nom de son frère, nous ignorons également le lieu de sa naissance, il est probable qu'il était galiléen, comme tous les autres, à l'exception de Judas Iscariote, qui était juif d'origine. Les trois autres apôtres sont Matthieu, dont nous raconterons plus bas la vocation, Philippe et Barthélemy. Section 3. Guérison d'un possédé dans la synagogue de Capharnaüm. À peine de retour à Capharnaüm, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il enseignait la foule, et tous étaient dans l'admiration de sa doctrine, car il parlait avec autorité, bien différent en cela des scribes et des autres docteurs de la loi. Or il y avait dans la synagogue un homme possédé de l'esprit impur. Il se mit à crier, « Qu'avons-nous à faire à vous, Jésus de Nazareth, vous êtes venu pour nous détruire. Je vous connais, vous êtes le Saint de Dieu. » Mais Jésus, le menaçant, lui dit, « Tais-toi, et sors de cet homme. » L'esprit impur se mit à agiter celui-ci d'étranges convulsions, et il sortit enfin de son corps sans lui faire aucun mal, en poussant de grands cris. Tous ceux qui étaient présents furent saisis de frayeur, et dans leur étonnement ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce ci, quel est ce nouvel enseignement, quelles sont cette puissance, et cette vertu qui commande aux esprits impurs, et se font obéir? À la vue du miracle opéré dans des circonstances aussi saisissantes, l'assemblée ne put taire son admiration. Le bruit de ce prodige se répandit promptement dans le voisinage et dans toute la Galilée. L'exercice d'un pouvoir si extraordinaire remplissait la multitude à la fois de surprise et de crainte. Section 4. Synagogue des Juifs. Il est souvent question dans notre récit des synagogues des Juifs, c'est pourquoi il ne paraîtra pas hors de propos d'en dire ici quelques mots. Les synagogues servaient aux réunions publiques pour la prière et pour l'interprétation de la loi. D'abord en petit nombre, elles furent érigées hors de l'enceinte des villes, au milieu des champs, afin de les préserver de toute espèce de souillure et de profanation. Plus tard on les bâtit à l'intérieur des villes, et on se plut à les multiplier. Partout où il y avait 10 hommes savants dans la loi et où 120 personnes pouvaient se réunir au nom de Jéhovah, on construisait une synagogue, et l'endroit prenait le titre de ville. Ce qui explique comment un territoire aussi resserré que la Palestine était couvert d'un plus grand nombre de villes que beaucoup d'empires célèbres. Depuis le temps des Maccabées, il n'y eut pas un village, pour ainsi dire, qui n'eût une synagogue. À Jérusalem on en compta jusqu'à 460 ou 480, Chaque corps de métier avait la sienne, et les étrangers mêmes en fondèrent pour ceux de leur nation. Trois fois la semaine il y avait convocation à la synagogue, le lundi, le jeudi et le jour du sabbat. L'assemblée de ce dernier jour était plus solennelle que les deux autres. La synagogue était gouvernée par 10 anciens du peuple, à la tête desquels étaient placés 3 administrateurs chargés de défendre les intérêts communs et d'exercer la justice. Ils constituaient une espèce de tribunal, dont les sentences étaient fort respectées. Leur juridiction embrassait les causes matrimoniales, les cas de restitution, les fautes qui méritaient la punition corporelle, les débats soulevés au sujet des limites des propriétés particulières, etc. Les assemblées de la synagogue étaient sous la direction du président, archi-synagogu, qui récitait les prières à haute voix, éveillé à ce qu'on lui exactement la loi. Il lui appartenait d'inviter les juifs capables de prendre la parole en public. C'était la coutume de faire cet honneur aux étrangers. Tout membre honorable de la communauté juive pouvait être appelé à expliquer la Bible, dès qu'il avait atteint sa 13e année, à plus forte raison quand il avait mérité le titre de docteur de la loi. Le président était assisté de 3 assesseurs chargés de recueillir et de distribuer les aumônes. Enfin, il avait à ses ordres un messager destiné à mettre la synagogue en communication avec les autres établissements de même nature. Le prince de la synagogue pouvait donner des lettres de recommandation aux voyageurs de distinction, ou de reconnaissance à ceux qui étaient chargés de missions confidentielles. Au milieu de la salle s'élevait une tribune ou pupitre, où l'on mettait le livre dans lequel devait se faire la lecture en cérémonie. Là se plaçait l'orateur, à portée de l'auditoire. Au fond, du côté de l'Orient, se dressait l'armoire où l'on déposait avec respect le livre sacré, enveloppé d'étoffes précieuses. Les femmes pouvaient entrer dans les synagogues, mais elles étaient séparées des hommes. Elles occupaient des galeries fermées au moyen de rideaux ou de jalousies, en sorte qu'elles pouvaient entendre sans être vues. Telle était l'organisation de toutes les synagogues judaïques. Quelques historiens, et, à leur suite, plus d'un antiquaire, ne font pas difficulté de reconnaître que l'Église naissante emprunta quelques dispositions aux édifices religieux des Israélites. Ces faits nous expliquent la manière d'agir des apôtres au début de la prédication de l'Évangile, comment ils pénétraient dans les synagogues, et adressaient la parole à leurs compatriotes assemblés, et comment surtout nous voyons si fréquemment Jésus entrer et enseigner dans les synagogues. Section 5. Guérison de la belle-mère de Pierre. Au sortir de la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra dans la maison de Simon-Pierre et d'André, accompagné de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. La belle-mère de Simon était retenue au lit, en proie à des fièvres violentes. Les disciples firent connaître sa maladie à Jésus, et le prièrent de la guérir. Leur prière fut aussitôt exaucée. Jésus s'approcha de la malade, la prit par la main, et la délivra de la fièvre. Cette femme se leva sur le champ, et se mit à les servir. La tradition donne le nom de Jeanne à la belle-mère de Saint-Pierre, et à sa femme celui de Concordia, mais aucun document authentique n'en fait mention. Clément d'Alexandrie, écrivain du 3e siècle, dit dans ses stromates que cette dernière souffrit le martyre à Rome, comme son mari, ainsi que leur fille Pétronille. La guérison du possédé avait eu lieu dans la synagogue de Capharnaüm, à la réunion du matin. Attirés au bruit de ce miracle, ceux qui avaient chez eux des infirmes les amenèrent au soir, après le coucher du soleil. Les habitants de la ville étaient accourus en foule à la porte de la maison de Simon et d'André. Jésus guérit tous les malades par l'imposition des mains. D'un seul mot, il chassait les démons du corps des possédés. En se retirant, les démons poussaient de grands cris et disaient « Vous êtes le Fils de Dieu ». Mais Jésus les réprimandait et leur imposait silence. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Il a pris sur lui nos faiblesses et guéri nos maladies. Section 6. Jésus prie dans la solitude. Empressement de la multitude à le suivre. Le lendemain, de grand matin, Jésus quitta la ville et se retira en un lieu désert pour y prier. La tradition rapporte que cette solitude n'est autre que le pied d'une montagne située au nord de Capharnaüm. Il y passa dans la suite bien des jours et des nuits en prière. Simon, et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire André, Jacques et Jean, se mirent à sa recherche. Dès qu'ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde vous cherche. » « Allons, dit Jésus, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche. » En ce moment la foule, accourant sur les pas des disciples, l'entoura, pour qu'il ne pût s'échapper, le priant de ne pas les abandonner. « Ne faut-il pas, ajouta-t-il, que j'évangélise aussi le royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Les habitants de Capharnaüm, plus heureux que ceux de Nazareth, gardèrent Jésus longtemps parmi eux, et furent comblés de bienfaits. Combien de prodiges de charité, en effet, s'opérèrent sur les bords du lac de Génézareth. Le pays de Capharnaüm fut vraiment privilégié. Heureux si tous eussent su apprécier la faveur dont ils étaient l'objet, et eussent correspondu à la grâce qui venait si tendrement les solliciter. Voyant donc la multitude qui grossissait sans cesse, Jésus se fit passer sur l'autre rive du lac. Il parcourut toute la Galilée, enseignant au milieu des synagogues, annonçant la bonne nouvelle, prêchant la doctrine, guérissant toute espèce de maladie, chassant les démons. Sa renommée s'étendit jusqu'aux extrémités de la Syrie, en sorte qu'il était suivi d'une immense multitude accourue de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Section 7. Jésus monte dans la barque de Pierre pour enseigner, pêche miraculeuse. La foule se pressait de plus en plus autour de lui, afin d'ouïr la parole de Dieu. Étant serré outre mesure sur les bords du lac de Génézareth, il aperçut deux barques arrêtées le long du rivage, pendant que les pêcheurs s'occupaient à terre à nettoyer leurs filets. Il entra dans une des barques, qui appartenait à Simon Pierre, et pria celui-ci de l'éloigner un peu du rivage. Assis dans cette barque, il adressa ses instructions au peuple. Lorsqu'il eut fini son discours, il dit à Simon, « Vogue au large, et jette tes filets pour la pêche. » « Maître, répondit le disciple, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur votre parole, je jetterai les filets. » Cela fait, ils prirent une si grande quantité de poissons, que les filets menaçaient de se rompre. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Les deux barques étaient tellement pleines, qu'elles paraissaient sur le point de couler à fond. Alors Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant, « Seigneur, éloignez-vous de moi, parce que je suis un homme de péché. » Car il était dans la stupeur, ainsi que ceux qui se trouvaient avec lui, à la vue de cette pêche merveilleuse. Jacques et Jean, fils de Zébédée, ne furent pas moins étonnés, mais Jésus dit à Simon, « Ne crains rien, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » En ce moment les barques touchèrent à la rive, les disciples quittèrent tout pour s'attacher au Sauveur. Toutes les fois que les apôtres se trouvaient à Capharnaüm, Ils vaquaient à l'exercice de leur profession. Ils jetaient leur filet le soir et le matin, et vivaient du produit de la pêche. Cette industrie était alors lucrative, car le lac de Tibériade, à cette époque comme à présent, fournit en abondance d'excellents poissons. Les barques de pêcheurs qui sillonnaient en grand nombre les eaux de ce lac magnifique, sont rares aujourd'hui. Les révolutions ont diminué considérablement la population, et le manque de sécurité en éloigne les pêcheurs. Dans le fait que nous venons de raconter, une circonstance remarquée de tous les pères de l'Église a été l'objet de commentaires admirables. Notre Seigneur, voulant enseigner le peuple, monte sur la barque de Pierre. Telle est la chair modeste d'où découle la pure doctrine. Dans la suite des siècles, Jésus-Christ continuera de parler de cette barque mystérieuse de Pierre, et il se servira du ministère du chef des apôtres et de ses successeurs, pour prendre les âmes dans les filets symboliques du royaume des cieux. Section 8, Sermon sur la montagne, les Béatitudes. Non loin de la mer de Galilée, au pied des derniers contreforts de l'Anti-Liban, s'élève le mont Itin, dominant une plaine où l'histoire vit s'accomplir des événements fameux. C'est là que la tradition nous montre Jésus développant les articles les plus sublimes du code évangélique, et révélant cette doctrine admirable, à côté de laquelle l'enseignement des philosophes palliait s'efface. La montagne des Béatitudes est stérile et couverte de pierres. Elle porte les traces de l'action des feux souterrains, comme tout le pays situé autour du lac de Génézareth, où le naturaliste reconnaît à chaque pas les signes évidents de la terrible influence des volcans. Le lac lui-même, comme il est facile de le constater d'après la forme et la nature des roches qui le bordent, n'est pas autre chose que le cratère d'un volcan, des sources d'eau chaude et sulfureuses indiquent la même origine, ainsi que les pierres noirâtres semées alentour sur le sol. Ajoutons que le mont Itin est sur la limite de la Galilée, de la Syrie et de la Phénicie. De là on découvre la ville de Safed et 100 villages plus ou moins populeux, disséminés sur les collines ou dans la plaine d'Esdrelon. Tel est le magnifique théâtre du Sermon sur la montagne. Ici Jésus s'assied entouré d'une multitude innombrable, et va faire entendre le résumé de la morale chrétienne. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire les pauvres volontaires, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre, allusion à la terre promise, figure du paradis. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font miséricorde, parce qu'eux-mêmes obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux leur appartient. Vous êtes heureux lorsque les hommes vous haïssent, vous maudissent, vous persécutent et disent du mal de vous, faussement et à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que vos pères en ont agi envers les prophètes, qui ont existé avant vous. Mais malheur à vous, riches, car vous avez eu votre consolation en ce monde. Malheur à vous, qui êtes rassasiés, car un jour viendra que vous serez affamés. Malheur à vous, qui riez, car viendra le moment où vous pleurez et serez dans la tristesse. Malheur à vous, qui êtes l'objet de la louange des hommes du siècle, car vos pères agissaient de même envers les faux prophètes. Section 9, suite, les apôtres sont la lumière et le sel du monde. S'adressant à ses disciples, Jésus leur dit, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, comment lui rendra-t-on sa vertu ? Il n'est bon à rien qu'à être rejeté dehors et foulé aux pieds des passants. Vous êtes la lumière du monde. La ville située sur la montagne ne peut être cachée, » ajouta le Sauveur en montrant, suivant une ancienne tradition, la ville de Safède, bâtie au sommet d'une montagne élevée. Si on allume un flambeau, ce n'est point pour le cacher sous un boisseau, mais pour le placer sur un candélabre, afin que sa lumière éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, de manière qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Section 10, suite, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. La doctrine de Jésus était plus parfaite que la doctrine manifestée à Moïse et aux prophètes. La nouvelle loi devait succéder à l'ancienne, non par voie d'abrogation, mais par voie de perfectionnement. Aussi le Sauveur ajoute-t-il, « Ne croyez pas que je sois venu détruire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre ne passeront pas sans que la loi soit accomplie entièrement, jusqu'à la moindre lettre et au moindre point. Quiconque violera la loi, même dans le moindre des commandements, et enseignera aux autres à la violer, sera réputé le moindre des hommes. Celui, au contraire, qui les observera tous, et qui apprendra aux autres à les garder, sera appelé grand dans le royaume des cieux. » L'Évangile nous apprend comment, par de vaines subtilités, les Juifs qui s'estimaient habiles dans la connaissance de la loi et se piquaient d'une grande fidélité à en suivre extérieurement les ordonnances, violaient en réalité les préceptes essentiels de la loi divine. Jésus-Christ, la douceur même, se montre toujours très sévère contre les pharisiens et les autres hypocrites qui pratiquaient avec ostentation certaines prescriptions légales, mais qui, à l'aide de prétendues traditions, négligeait, dédaignait même les commandements les plus importants. En vérité, je vous le déclare, dit-il, si votre justice n'est pas plus parfaite que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous savez qu'il a été dit aux anciens, vous ne tuerez point, et quiconque commet le crime d'homicide sera jugé et condamné. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère encourt le jugement de Dieu. Celui qui dit à son frère, Raca, sera traduit devant le grand conseil, mais celui qui l'appellera fou se rend digne du feu de l'enfer. Ici notre Seigneur fait allusion aux injures dont les Juifs se rendaient souvent coupables les uns envers les autres, et réputées si déshonorantes, qu'elles occasionnaient souvent des querelles violentes, des haines, des rixes et des meurtres. C'est pour cela qu'il dit en une autre occasion, « Celui qui est son frère est homicide. » Le Sauveur continue, « Si vous vous souvenez, dit-il, en offrant votre don à l'autel, que votre frère a quelque chose contre vous. Laissez votre offrande devant l'autel, allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, et vous reviendrez ensuite achever votre offrande. » Dans une autre circonstance, s'il vous arrive d'être cité par devant le juge, chemin faisant vers le tribunal, accordez-vous promptement avec la partie adverse. Si vous refusez un accommodement, craignez de paraître devant le juge, qui vous livrera au ministre pour vous jeter en prison. Je vous assure que vous n'en sortirez pas avant d'avoir rendu jusqu'à la dernière obole. Sur ce passage, un père de l'Église fait la réflexion suivante, Le Christ avertit ses disciples d'éviter toutes sortes de dissensions, de disputes et de procès. La charité fraternelle nous en fait un devoir. On sait d'ailleurs que les poursuites en justice engendrent ordinairement des animosités difficiles à détruire. Que chacun donc examine sa conscience, que le coupable n'hésite pas à reconnaître et à réparer sa faute. La réconciliation est une œuvre méritoire aux yeux de Dieu. D'ailleurs, la justice des hommes a des rigueurs excessives, et le glaive dont sa main est armée frappe sans pitié. Section 11, suite. Chasteté, indissolubilité du mariage. Vous avez entendu, continue le Sauveur, qu'il a été dit à vos pères, vous ne commettrez point d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec une complaisance criminelle a déjà commis l'adultère dans son cœur. Il a été dit aussi, quiconque renvoie sa femme doit lui donner un acte de répudiation. Et moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, hors le cas d'adultère, la rend adultère, et celui qui épouse une femme ainsi séparée de son mari, commet aussi le crime d'adultère. Section 12, suite, du serment. Vous savez qu'il a été dit à vos pères, vous ne serez pas parjure, mais vous accomplirez les serments que vous avez faits au nom du Seigneur. Et moi je vous dis, ne jurez en aucune manière, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce qu'elle est la ville du grand roi. Vous ne jurerez point non plus par votre propre tête, parce que vous ne pouvez en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Contentez-vous d'affirmer en disant simplement oui ou non. Ce qui va au-delà n'est pas exempt de mal. Section 13, suite, pardon des injures, amour des ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, c'était la peine du talion. Et moi je vous dis, ne résistez point aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui la joue gauche. Si quelqu'un veut vous faire un procès pour vous dépouiller de votre tunique, abandonnez lui-même votre manteau. Si quelqu'un vous contraint à marcher avec 8000 pas, faites-en 2000. Donnez à qui vous demande, et ne repoussez point celui qui veut vous emprunter. Après ces conseils, Jésus ajoute des préceptes sublimes. Vous savez, dit-il, qu'il a été dit, vous aimerez votre prochain, et vous pourrez haïr votre ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père Céleste, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui laisse descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Si vous vous contentez de saluer vos frères, que faites-vous de plus que le reste des hommes? Est-ce que les païens n'en agissent pas de même? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Section 14, suite, bonnes œuvres secrètes. Ayez soin de ne pas faire vos bonnes œuvres en public, afin d'être regardé des hommes. Autrement vous ne recevrez aucune récompense de votre Père qui est aux cieux. Lors donc que vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites au milieu des rues et des synagogues, dans le dessein d'être honorés des hommes. En vérité, je vous l'assure, ceux qui agissent ainsi ont déjà reçu leur récompense. Pour vous, quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ignore ce que fait la droite, afin que votre aumône reste secrète, et votre Père, qui voit dans le secret, vous en récompensera. Section 15, suite, prière oraison dominicale. Lorsque vous ferez votre prière, n'imitez pas la conduite des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des places publiques, afin d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ces gens-là ont reçu leur récompense. Pour vous, quand vous voudrez prier, entrez dans votre chambre, fermez-en la porte, et priez en secret. Votre Père, qui pénètre dans le secret, vous exaucera. Ne multipliez pas les paroles en priant, selon l'usage des païens, qui s'imaginent devoir être exaucés à cause de l'abondance de leurs paroles. Ne les imitez pas, car votre Père connaît vos besoins avant même que vous les exposiez. Vous prierez donc ainsi, notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. En effet, si vous remettez aux hommes les offenses dont ils se sont rendus coupables à votre égard, votre Père céleste vous remettra vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Section 16, suite, du jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas tristes comme les hypocrites qui exténuent leur visage, afin que les hommes sachent qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Vous, au contraire, quand vous jeûnez, parfumez-vous la tête, lavez-vous le visage, de peur que les hommes ne s'aperçoivent de votre jeûne, et votre Père, qui connaît toutes les choses secrètes, vous tiendra compte des choses que vous aurez faites dans le secret. Section 17, suite, mépris des richesses, confiance en Dieu. Ne travaillez pas à amasser sur la terre des trésors que la rouille et les vers attaquent, que les voleurs découvrent et dérobent. Appliquez-vous à placer des trésors dans le ciel, où ils sont à l'abri de la rouille et de la teigne, où les voleurs ne sauraient les ravir. En effet, où se trouve votre trésor, là est votre cœur. Personne ne peut servir de maître, car il aimera l'un et détestera l'autre, il sera docile à l'égard de l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, l'idole des richesses. C'est pourquoi je vous le dis, ne soyez point inquiets au sujet de votre nourriture et de vos vêtements. Votre vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et votre corps n'est-il pas plus que les vêtements? Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, et ne font aucune provision dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pourquoi auriez-vous soin de votre vêtement? Regardez les lys qui croissent dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Or je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme une de ses fleurs. Si Dieu se plaît à orner ainsi l'herbe des champs, qui pousse aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, comment n'aura-t-il pas plutôt soin de vous, homme de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, outre mesure, en disant, aurons-nous à manger et à boire? De quoi nous vêtirons-nous? C'est le souci des païens. Votre Père céleste ignore-t-il que vous avez besoin de toutes ces choses? Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. N'ayez point souci du lendemain, car ce lendemain présentera les moyens de subvenir aux besoins du jour. À chaque jour suffit sa peine. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Celui qui demande est assuré d'obtenir. Quel est l'homme qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou qui lui présente un serpent, s'il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses et tout ce qui leur convient, combien plus votre Père qui est dans les cieux accordera-t-il les vrais biens à ceux qui les lui demandent? Section 18, suite, porte étroite, nécessité des bonnes œuvres. Entrez par la porte étroite. Pour aller à la perdition, la porte est large et le chemin spacieux, et beaucoup s'y engagent. Que la porte et la voie qui mène à la vie sont étroites, et qu'il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent vers vous vêtus de peau de brebis, et au-dedans ce sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les raisins se cueillent-ils sur les épines, et les figues sur les ronces? Tout bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, c'est-à-dire à leurs œuvres. Celui-là n'entrera pas dans le royaume des cieux qui se contente de dire « Seigneur, Seigneur ». Le ciel sera ouvert uniquement à ceux qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom, chassé les démons et opéré des prodiges en votre nom ?» Je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Section 19, suite, indulgence envers le prochain. Autorité de l'enseignement de Jésus-Christ. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. On vous appliquera le jugement dont vous aurez usé à l'égard des autres. On se servira pour vous de la mesure que vous aurez employée pour votre prochain. Comment apercevez-vous un fétu dans l'œil de votre prochain? Et ne voyez-vous point une poutre dans votre œil? Comment pouvez-vous dire à votre frère, « Laissez-moi enlever ce fétu de votre œil, quand vous-même vous avez une poutre dans l'œil? » Commencez par ôter la poutre qui encombre votre œil, et vous songerez ensuite à enlever le fétu de l'œil de votre frère. Faites aux autres hommes ce que vous désirez qu'ils fassent pour vous. Tel est l'esprit de la loi et des prophètes. Quiconque écoute mes paroles et les met en pratique, sera comparé au sage qui bâtit sa maison sur le roc. Si la pluie tombe, que les fleuves se débordent, et que la tempête vienne à souffler, cette maison résistera, parce que les fondements sont solides. Celui, au contraire, qui entend mes paroles, et qui ne les met pas en pratique, ressemble à l'insensé qui construit sa maison sur le sable. La pluie, les torrents et le vent sont venus fondre sur cette maison, qui n'a pas tardé à s'écrouler, en ne laissant que des ruines. Lorsque Jésus eut terminé son discours, les peuples étaient dans l'admiration de sa doctrine. Il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes et les pharisiens. Section 20, résumé de la morale évangélique dans le discours sur la montagne. Le sermon sur la montagne est comme le résumé de toute la morale évangélique. Jésus-Christ y révèle aux hommes les vérités les plus sublimes. Qui n'admirerait, dit Bossuet, la condescendance avec laquelle il tempère la hauteur de sa doctrine. C'est du lait pour les enfants, et tout ensemble du pain pour les forts. Ce qu'il a sans mesure, il le répand avec mesure, afin que notre faiblesse puisse le porter. On le voit plein des secrets de Dieu, mais on voit en même temps qu'il n'en est pas étonné, comme les autres mortels à qui Dieu se communique. Il en parle naturellement, comme étant né dans ce secret et dans cette gloire. Jésus-Christ nous apprend à faire toutes nos actions en vue de Dieu, et non en vue des hommes, à pratiquer nos devoirs suivant les lumières de la conscience, et non par une vaine ostentation. La récompense céleste ne sera pas accordée à une foi stérile, mais à la pratique des bonnes œuvres. En distribuant l'aumône à nos frères dans le besoin, nous devons le faire d'après un motif de charité secrètement, pour ne pas humilier les malheureux, évitant d'imiter les pharisiens, qui faisaient sonner de la trompette à côté d'eux, sous prétexte de rassembler les pauvres, mais en réalité pour se faire honneur de leur libéralité devant les hommes. L'hypocrisie est un vice odieux. L'œil de Dieu perce jusqu'au plus secret repli de l'âme. Celui qui agit pour Dieu se retire dans la solitude pour prier, sûr d'y être plus favorablement écouté. Il faut éviter, en priant, d'employer les longues formules des païens. Ceux-ci s'imaginaient que l'efficacité de la prière dépend de la quantité des paroles. La meilleure préparation à la prière est le pardon des injures. Nous obtiendrons de Dieu ce que nous lui demandons, en raison de ce que nous accorderons à nos frères, et nos péchés nous seront remis dans la mesure que nous aurons employée à l'égard de ceux qui nous ont offensés. Non seulement nous devons pardonner à nos ennemis, mais encore nous devons les aimer. La loi cruelle du talion est à jamais abrogée. Le meurtre est condamné, la violence est défendue. La pureté de cœur et de corps est prescrite à tous, et le mariage déclaré est indissoluble. Afin d'éviter les excès qui déshonoreraient la société païenne, non seulement les mauvaises actions, mais encore les pensées déshonnêtes sont défendues. Soyez parfaits, dit le divin fondateur de la morale chrétienne, comme mon Père céleste est parfait. Notons cette remarque de l'écrivain sacré. Jésus enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes et les pharisiens. Tel est, en effet, le caractère de l'enseignement divin transmis à l'Église par Jésus-Christ. La vérité est annoncée avec autorité, elle s'établit par elle-même, elle brille, elle éclate, elle ne se discute pas. Les apôtres et leurs successeurs, héritiers des promesses, ne prêchent pas avec hésitation. Ils ont puissance et autorité. La vraie doctrine n'admet pas les réticences et les compromis, elle est absolue. Comme les soutiens de la foi catholique diffèrent des novateurs. Ceux-ci parlent avec embarras, ils font des concessions, ils n'avancent que par la voie des distinctions et des interprétations. Ils n'osent affirmer, ils conseillent, ils marchent, ils reculent, ils disent oui et non sur la même question. L'enseignement des hérétiques modernes ne ressemble-t-il pas à celui des scribes et des pharisiens? Markemdanarchive.org, d'après booksgoogle.fr. Tourmam et compagnie, 1862. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.